Dieu veille sur la création, regardant jour après jour, observant. Humblement, il se cache, goûtant à la vie humaine, regardant chaque acte de l'homme qui s'est vraiment offert lui-même à Dieu, qui a poursuivi la vérité, qui a pris Dieu au sérieux, a tenu ses promesses et accompli son devoir envers Dieu, qui a jamais permis à Dieu de l'habiter, a chéri Dieu comme il l'aurait fait pour sa propre vie, qui a jamais vu tout l'être de sa divinité, ou voulu toucher Dieu lui-même. Quand ils ne peuvent affronter la vie, Dieu les élève et leur donne le courage de vivre encore. Il leur donne une seconde chance. Alors comme leur fondement, quand ils désobéissent, Dieu s'en sert pour qu'ils le connaissent. Dieu voit la vieille nature des gens et avec bonté il leur donne une chance de se repentir et prendre un nouveau départ. Tant qu'ils auront un dernier souffle de la mort, Dieu les sauvera. Combien de fois les gens ont vu ses mains tendues, combien de fois la bonté de ses yeux et ont senti tout le temps son visage souriant. Et combien de fois ont-ils vu sa colère ou majesté? Quand des gens s'enfoncent dans les eaux, Dieu les sauve. Quand ils ne peuvent affronter la vie, Dieu les élève et leur donne le courage de vivre encore. Il leur donne une seconde chance. Alors ils le prendront comme leur désobéissent, Dieu s'en sert pour qu'ils le connaissent. S'ils ne l'ont jamais connu, Dieu n'abuse jamais de leur faiblesse. Il considère leur épreuve avec sympathie, les châtie seulement quand il se détourne. Quand des gens s'enfoncent dans les odieux, les sauveurs, quand ils ne peuvent affronter la vie, Dieu donne le courage de vivre encore, il leur donne une seconde chance, alors ils le prendront comme leur fondement. Quand ils désobéissent, Dieu s'en sert pour qu'ils le connaissent.